وعلى رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وأهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوالها وأحوال أهلها، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب شرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الأحبة، إنني أسأل الله الذي لا إله إلا هو، الذي جمعني بكم في هذه الأمسية، أن يجمعني بكم عنده في جنات ونهر. ونسأله الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله أخرى أن يجمعنا على حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء أو الحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أما بعد، موضوع حديثنا في هذه الأمسية إن شاء الله تعالى يتعلق بفصل من فصول أبواب الفقه. وكما لا يخفى عليكم أن أبواب الفقه أبواب كثيرة، أبواب كثيرة، وارتأينا أن نعرض عليكم هذا الباب، وهو باب خاص بالنساء، باب الحيض. ولكن يجب على طالب العلم أن يعتني به لكثرة السؤال على هذا الموضوع. كم من أسئلة تأتينا في العام حول هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بالنساء، ولكن كذلك يتعلق بالرجال، بحيث أن الرجل هو الذي ينقل الفتوى لزوجته، وهو الذي كذلك ينقل الفتوى لبناته، يعلمهم، أو الأم يعلم الأمة، والأمة هي التي تعلم البنات، وهلم جرى. فهذا الموضوع مهم جدا جدا، ما أسهله، ولكن بعض الفقهاء غفر الله لنا ولهم، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال غفر لمن يعني تعمق في هذا الباب، بل حتى أن هذا الباب أصبح فيه من الغلو ما هو معروف ومألوف عند أهل العلم. Dans cet après-midi, inshallah ta'ala, on va apprendre ensemble un chapitre qui concerne notre religion. Comme vous le savez, il y a beaucoup de chapitres et beaucoup d'ouvrages et des livres qui parlent de la jurisprudence. Le livre de la purification, le livre de la salat. Et dans le livre de la purification, l'ulama, ils ont parlé d'un chapitre qui est très important. Certes, il a un lien avec les femmes, mais aussi l'étudiant, il doit apprendre pour qu'il puisse propager cette religion. Ce chapitre, il parle de ce fameux cycle menstruel. Le cycle menstruel, exactement, qui a un lien avec les femmes. Ce chapitre, il est très important. Pourquoi ? Soit pour les femmes, et aussi même pour les hommes. Un homme, il est marié, et c'est lui qui va rapporter la fatwa à sa femme. Et aussi, la femme, elle va faire quoi ? Elle va éduquer ses enfants, enseigner ses enfants, comme on est en train de parler ici, de ses filles. De ses filles. Et sachez très bien que cette porte, elle est très très vaste. Mais en réalité, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et d'autres savants, elle est très facile. Il y a eu beaucoup d'exagérations dans ce chapitre de chez les grands savants de l'islam. Malheureusement, qu'Allah les pardonne, Cheikh Al-Uthaymin dit. Pourquoi ? Rien sur ce chapitre, rien que sur ce leçon des menstrues, il y a plus de 100 mas'ala, akthar min 100 mas'ala tata'allaq bid-dam faqat, bidami al-hayd. Fa'ala hadha, yaqulu rahimahullahu ta'ala, hadha al-bab min as'ab abwab al-fiqh 'inda al-fuqaha. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, il dit ce chapitre, c'est parmi les plus difficiles des chapitres chez les savants de la jurisprudence. وَقَدْ أَطَالُوا فِيهِ كَثِيرًا. Ils ont trop parlé sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de divergences sur les gouttes de sang qui sortent de la femme, de chez la femme. Donc il y a beaucoup de divergences sur ça. وَفِيمَا يَبْدُو لَنَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّطْوِيلِ وَالتَّفْرِيعَاتِ وَالْقَوَاعِدِ التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله والتي لم يكن كثير منها مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم. Et d'après moi, الشيخ العثيمين dit رحمه الله تعالى, et d'après moi, je ne vois pas l'utilité de parler trop de ce sujet et d'aller loin comme les savants de la jurisprudence, ils ont pris parti sur ce sujet. Ça veut dire ils ont parlé très très longtemps sur ça, et surtout dans les premiers siècles après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, après la mort de sahaba, donc après tabi'in ils sont venus, après tabi'in là, il y a eu beaucoup de divergences dans les questions qui concernent la jurisprudence, et surtout ce chapitre, alors que Cheikh rahimahullah ta'ala il voit qu'il n'y a pas d'utilité de parler longtemps sur ce sujet, alors qu'ils ont rapporté des choses ces savants, alors que chez Sahaba, on n'a pas rapporté ce genre d'avis. فَالْمَرْأَةُ إِذَا جَاءَهَا الْحَيْضُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَنَحْوَهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَنَحْوِهَا. Donc la femme, quand elle va avoir son cercle, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Tout simplement, elle arrête de faire la prière. Si c'est le mois du Ramadan, elle arrête de jeûner, tout simplement. Ça, c'est la première des choses. وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْهُ صَلَّتْ. Dès qu'elle voit, elle va terminer son cycle, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle reprend sa prière et elle reprend son jeûne si c'était le mois du Ramadan. وَإِذَا تَنَكَّرَ عَلَيْهَا لَمْ تَجْعَلْهُ حَيْضًا. C'est très facile. Si par exemple, elle voit que elle ne connaît pas, ça c'est quoi? Est-ce que c'est le sang du monstru, par exemple une hémorragie, tout ça, tout simplement, elle devrait faire quoi? Elle devrait revenir au savant et poser les questions. فَقَوَاعِدُهُ فِي السُنَّةِ يَسِيرَةِ وَلِهَذَا كَانَتْ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ غَيْرَ كَثِيرَةِ. Sachez très bien que ce chapitre qui parle de ce cycle, sachez très bien que la sunna ou les ahadith qui parlent de ça, ils sont très, très, très peu. Très, très peu. C'est pas comme par exemple les ahadith qui parlent de la salat. C'est pas comme les ahadith ou les versets coraniques qui parlent de tawhid. On peut trouver des centaines de ahadith et des centaines de versets coraniques qui parlent de tawhid. Parce qu'il est très, très important. N'est-ce pas? Donc ça, As-Sunna, elle a parlé. Le Coran, Karim, il a parlé. Mais après, la Sunna, on trouve quelques hadiths seulement et quelques versets coraniques qui parlent de ce sujet. ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب ثم نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافق الكتاب والسنة أخذناه وما خالفها تركناه وقلنا غفر الله لقائله. Donc ici, l'étudiant, il est en train d'étudier, il devrait faire ce passage. Donc, on va lui exposer cette science, ce savoir des savants. On va lui dire, les savants, ils ont dit tel et tel et tel sur le sang des monstrues. Donc, il doit faire quoi? Il doit apprendre cette religion, il doit étudier ce passage. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, et comme d'autres savants dans l'islam qui suivent la sunna, on va prendre ce sujet, ce qui est compatible avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, on va le prendre, tout simplement. Parce que nous, quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Ce qui est dans le livre d'Allah et la sunna authentique du prophète alayhi salat wa salam. On accepte. Après, ce qui n'est pas conforme avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salat wa salam, on doit faire quoi? Le rejeter et dire quoi après? Qu'Allah pardonne la personne qui l'a dit. Ça veut dire, le cheikh ici, il est en train de parler de ses savants. الحيض في اللغة هو السيلان يقال حاض الوادي يعني إذا سال. Donc dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire al-hayd? Ce cercle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui coule. Quelque chose qui coule. D'accord? وفي الشرع دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. Et dans la législation de l'islam, dans notre religion, qu'est-ce que ça veut dire al-hayd, ce dam, ce sang? Ça veut dire que c'est un sang qui est naturel, qui sort de chez la femme. Et dans un temps précis, quand elle va atteindre l'âge de puberté, quand elle va atteindre l'âge de puberté. Donc c'est un sang qui est naturel. C'est un sang qui est naturel. D'accord ? خلقه الله تعالى لحكمة. Allah Azza wa Jalla l'a créé pour une sagesse et une grande sagesse. قال بعض العلماء غذاء الولد. C'est une nourriture pour le fœtus. Subhanallah. ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب. Et c'est pour ça, une femme enceinte, généralement, elle n'a pas ce cercle jusqu'à qu'elle va accoucher. لأن هذا الدم بإذن الله, car ce sang, grâce à Allah Azza wa Jal, ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العروق ليتغذى به. Car ce sang, subhanallah, par l'intermédiaire de l'ombril de la femme, il va y aller vers le fœtus, il va manger et boire. Manger et boire. إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه. Comme vous le savez, le fœtus dans le ventre de sa mère, il ne peut pas manger ni boire quand il est dans le ventre de sa mère. C'est qui le nourrit? Allah Azza wa Jal. Par l'intermédiaire et la cause de quoi? Le sang des monstrues. لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه للخروج. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والحيض دم طبيعة. Donc sachez que ce cercle menstruel, sachez très bien que c'est un sang qui est naturel chez la femme. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إنه شيء أو دم كتبه الله على بنات آدم. Donc ce sang Allah Azza wa Jalla a prescrit pour qui? Pour les filles d'Adam. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أي كتبه قدرا بخلاف الاستحاضة بخلاف الاستحاضة فهي دم طارئ عارض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الاستحاضة إنها دم عرق فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيره فإنه يهون عليه. إذن هذا الدم ليس بدم طارئ ولا عارض كالاستحاضة أو جرح. هذا دم طارئ أو عارض غير طبيعي. أما الطبيعي هو دم الحيض. والاستحاضة هي طارئة وعارضة جاءت من أجل سبب. أما هذا فإنه جبلي يعني مخلوق في المرأة كالعين والأنف والأذن والرأس والأعضاء وما يحتوي جسد بني آدم. فهذه كلها ليست بطارئة مخلوقة جبلية طبيعة في بني البشر. Donc le sang des menstrues, sachez que c'est une nature chez les femmes. comme ça pour les apaiser, le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que le prophète, il voulait apaiser Aïcha en lui disant que ça, Allah Azza wa Jalla l'a prescrit sur les fils de les filles d'Adam. Comme l'œil, comme le nez, et tout ce qui se trouve dans, à l'extérieur et à l'intérieur du corps de l'homme. Tout ça, c'est naturel. Tout ça, c'est naturel. D'accord ? وَالدِّمَاءُ الَّتِي تُصِيبُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَةُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالِاسْتِحَاضَةُ وَدَمُ الْفَسَادُ وَلِكُلِّ مِنْهَا تَعْرِيفٌ وَأَحْكَامٌ كَمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَشْرَحُهُ الْعُلَمَاءُ فِي كُتُبِهِمْ فَالْحَيْضُ دَمُ طَبِيعَةٍ كَمَا سَبَقَ وَهَلْ لَهُ حَدٌّ فِي السِّنِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَكَذَا فِي الْأَيَّامِ الَّذِي يَهُمُّنَا اللَّيْلَةَ فِي هَذِهِ الْأُمْسِيَةِ أَيُّهَا الْأَحْبَابُ هو أننا نختصر اختصارا شديدا هذا الموضوع لأنه موضوع كما لا يخفى عليكم يطول وفي هذه الجلسة يعني نحتاج إلى أن نأتي بجميع التفريعات وجميع القواعد وجميع الأبواب التي جاءت وتحدثت عن هذا الباب وإلا فإننا سوف نتكلم عن متى يأتي دم الحيض وكيف تعرف أن المرأة تنتهي من حيضتها هذا يجب على المرأة أن تعرفه وإلا فإن هذا الباب واسع جدا جدا ويطول فلا نستطيع أن نختصر أو نتحدث فيه في هذه الجلسة نحتاج إلى عدة جلسات. Donc ici ce qui nous ce qui est important pour nous inshallah تعالى dans cet après-midi de faire un résumé vraiment vraiment un résumé. Pourquoi ce chapitre il est très très vaste et dans une seule assise ça suffit pas. D'accord? C'est pour ça qu'on va faire un résumé. On va vous parler sur quoi? Quand la femme, elle va avoir ses menstrues. Et c'est quoi les signes quand elle va disparaître? Il va disparaître. D'accord? قال فالحيض دم طبيعة كما سبق وهل له حد في السن ابتداء وانتهاء وكذا في الأيام. Donc ici, il y a une très grande divergence entre les savants. Quand la femme, elle va avoir ses menstrues. Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un maximum? Donc ça, on parle de l'âge de puberté. Est-ce qu'il y a une fin pour ça? Par exemple, on va dire, à l'âge de 9 ans, elle va les avoir. À l'âge de 50 ans, elle ne va plus les avoir, par exemple. Est-ce que dans notre religion, ça existe, ce terme ou non? Et pareil, les jours, combien? 5, 7, 6 15, 1 mois, 3 mois. Donc, est-ce qu'il y a un ça? Il y a un minimum et un maximum. Al-ulama en parlait. Après, le Cheikh Al-Uthaymin va donner son avis, inshallah ta'ala. قال المعروف عند الفقهاء أنه لا حد له. Ce qui est connu chez les savants de la jurisprudence, il n'a pas de quoi? Il n'a pas de maximum ni de minimum. والصحيح أنه ليس له ce qui est connu chez les savants de la jurisprudence, il a un minimum, il a un maximum. Mais Cheikh Al-Uthaymin, il donne son avis. Il dit l'avis le plus fort pour lui, il n'a pas. Donc il n'a pas de minimum, il n'a pas de maximum. Ça veut dire pour lui, une femme de 90 ans, elle peut avoir ses menstrues. D'accord? Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Qala Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى il dit, il soutient qu'à lui, qu'il n'y a ni durée minimum, ni durée maximum, et que l'on considère la présence du cycle menstruel par le constat. Et donc pour lui, il n'a pas de minimum, il n'a pas de maximum. الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولا يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى, comme vous le savez, le Cheikh de l'Islam, le grand savant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى, il a dit son avis, bien sûr, après recherche. D'accord? Il a exposé les savants de l'islam, ce qu'ils ont dit. Il y a un minimum, il y a un maximum, il n'a pas trouvé de dalil. Alors que, comme vous le savez, cette chose ou ce cercle de qui vient chez la femme, c'est le quotidien de toutes les femmes. C'est comme on va vous dire, la prière, c'est quelque chose qui est très importante. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla a parlé. Il a dit combien même dans une prière en groupe, on a 25 degrés ou 27 degrés, n'est-ce pas? Donc malgré tout ça, Allah Azza wa Jalla n'a pas détaillé. Ni dans le Coran al-Karim, ni dans la sunna du prophète, alayhi wa sallam, mais la sunna elle est venue, elle a parlé, le prophète il a parlé sur le minimum qu'est-ce qu'elle devrait faire la femme pour lui faciliter la tâche. Après malheureusement, derrière il y a eu l'exagération. ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ثم قال رحمه الله والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح أنه لا حد له لا حد لا لأقله ولا لأكثره كما ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, et après Cheikh Al-Uthaymin va appuyer cet avis, où il va dire que dans notre religion, il y a plusieurs avis sur ce cercle. Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un maximum? L'avis le plus fort pour eux, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. D'accord? La fille, elle peut avoir à l'âge de 9 ans, comme elle peut les avoir à l'âge de 15 ans. D'accord? Et elle peut les avoir toute sa vie. Et d'ailleurs, bien sûr, ils ont étudié ça, ils ont trouvé qu'il y avait des femmes qui ont resté avec leur cercle pendant des années. قال لا حيض قبل 9 سنين. هذا هو قول المذهب. Donc, chez l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a dit qu'il n'y a pas al-hayd, le sang des menstrues, avant l'âge de 9 ans chez les filles. D'accord? Ça, c'est son avis. Il a hayd à shar'an, qabla 9 sinin, fa in hadat qabla tamam 9, fa laysa bihayd. Donc, ici, c'est très important ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, si par exemple, une fille, elle a eu ses menstrues à l'âge de 7 ans, par exemple, ou 8 ans. Est-ce qu'on peut la considérer comme une fille, elle a atteint l'âge de puberté, et quand elle a atteint l'âge de puberté, elle devrait faire quoi? Faire la prière, jeûner le mois du Ramadan. D'accord? Donc, c'est très important de connaître cette règle. C'est très important de connaître cette règle, parce que les ulamas qui ont dit que il y a un minimum, il y a un maximum pour eux. Une fille, si elle a ses menstrues à l'âge de 7 ans, elle n'est pas mukallafa. Ça veut dire, elle n'a pas à faire la prière obligatoirement ou jeûner le mois du Ramadan obligatoirement. D'accord? Donc, elle devrait avoir au moins 9 ans. Ça commence à l'âge de 9 ans. Ça, c'est leur avis d'après l'école de l'imam Ahmed et quelques savants. D'accord? Donc, nous, on a connu l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et l'avis de Cheikh l'Uthaymin rahimahullah. حتى وإن حاضت حيضة بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض. يعني même si cette fille elle a eu ses menstrues et sa mère elle les a reconnues avec les signes, les caractères et tout ça, pour eux c'est pas un حيض. وهنا كلمة يقال الفقهاء يقولون أن دم الحيض يعرف ويعرف يعرف ويعرف يعني يعرف معروف ويعرف ذو رائحة. انظر إلى اللغة العربية عندنا نفس الكلمة يعرف ويعرف. فإذا قلت يعرف إذن هذا شيء معروف. فإذا قلت يعرف يعني ذو رائحة. أنت تغير الشكل فقط. فانتبه. Donc ici dans la langue arabe il y a un mot, il y a une kalima, on dit يعرف, quelque chose qui est connu. يعرف, quelque chose qui est connu. Dès qu'on change la voyelle seulement, regardez. يعرف, quelque chose qui est connu. يعرف, une chose qui dégage une mauvaise odeur. On change une voyelle seulement, On écrit la même chose, ya'rif, ya'rif. Dès qu'on dit ya'raf, le sens il va changer complètement. Il va changer complètement. D'accord ? Wa qawluhu qabla tis' sinin ay intihaa'uha fa idha hadath man laha tis' sinin fa laysa man laha tis' sinin fa laysa bihayd wa ba'da tis' hayd. D'accord ? Donc ici, une fille à 9 ans, ça veut dire qu'elle n'est pas considérée comme une fille, elle a atteint l'âge de puberté. Mais si elle va le dépasser, elle a atteint, d'après ses savants. Aïe, wala ba'd khamsin, wala ba'd khamsin, aïe, wala hayd ba'd tamami khamsina sana, falaw anna mra'atan istamarra biha al-hayd. على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيض. Donc ici les savants de la jurisprudence et d'après l'avis de l'école de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ils disent quoi? Ils disent que jusqu'à l'âge de 50 ans, après 50 ans, même si elle va avoir ses menstrues avec les mêmes caractères, avec les mêmes signes et tout ça, il n'est pas considéré comme le sang des menstrues. Ça veut dire, elle a ce sang, elle fait la prière et elle jeûne. D'accord? Alors que, la vie qu'on a commencé avec cette assise, il dit quoi? Il n'a pas de maximum. Il n'a pas de maximum. Elle peut les avoir à l'âge de 50 ans, 60 ans, et vise sur ça. Voyez? Wa, يقول كذلك رحمه الله تعالى, ولا مع حمل, ولا مع Hamlin. Donc ici, comme vous le savez, une femme, quand elle est enceinte. Donc parmi les signes que la femme elle est enceinte, elle ne va pas avoir son cycle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas forcément... On peut trouver une femme, elle est enceinte, mais en même temps, elle va avoir son cycle, d'accord? Donc on peut trouver ça et ça existe. On peut trouver aussi que des filles, elles vont avoir... leur cycle avant même l'âge de 6 ans. Avant même l'âge de 6 ans. Donc une femme, quand elle est enceinte, on a dit que le sang des menstrues, il va y aller où pour nourrir le fœtus, n'est-ce pas? Mais pas forcément. On peut trouver des cas où les femmes, ils peuvent avoir leur menstrue même 6 ans, ils sont enceintes. Donc une femme, qu'elle est enceinte, ça veut dire elle fait la prière pendant 9 mois. Elle fait la prière pendant 9 mois. قال واقله يوم وليله واكثره 15 يوما. Donc ici les savants de la jurisprudence ils disent quoi? اقل الحيض يوم وليله. يعني les sons de menstrues, le minimum une nuit et un jour. Un jour et une nuit. واكثره 15 يوما. Et le maximum 15 jours. Donc on peut trouver une femme, elle peut avoir ses menstrues pendant une journée et une nuit. Comme on peut trouver, le maximum, elle peut avoir 15 jours. Ça veut dire, plus que 15 jours, il n'est pas considéré pour eux. D'accord ? Il n'est pas considéré pour eux. Elle peut avoir son cercle pendant 24 heures seulement. وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ هذا هو المذهب واستدلوا بالعادة لكوتوم. Ils disent que voilà, généralement la femme, on a vu après étude, on a vu que d'habitude la femme elle dépasse pas les 15 jours. Elle dépasse pas les 15 jours. D'accord? وغالبه ست أو سبع. Et généralement la femme elle peut avoir son cycle pendant 6 jours ou 7 jours, ça c'est généralement chez les femmes. Et ça c'est véridique. Et ça, c'est véridique. Aïe, ghalibul hayd sittu layalin wa hadha sahih. Li thubuti sunnati bih. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. Pourquoi ça c'est vrai que la femme elle peut avoir 6 ou 7 jour généralement, parce que la sunna, elle a parlé de ça. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a parlé de ça à une femme qui est venue. Après, il lui a donné la méthode pour calculer. Il lui a dit, parce qu'elle avait une hémorragie, cette femme. D'accord? il lui a dit le prophète de calculer entre 6 et 7 jours. D'accord ? وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. والذي يهمنا إن شاء الله تعالى كيف تعرف المرأة أنها خرجت من حيضتها وطهرت. Donc ce qui nous intéresse nous maintenant, barakallahu fikum, c'est quoi les signes qui fait que la femme elle est sortie de cet état qui est un état d'impureté à un état qui est pur. Donc quand la femme, comme vous le savez, elle a ses règles, elle a son cycle, elle devrait faire quoi? Elle ne devrait pas faire la prière ni jeûner. D'accord? Ni jeûner. Elle n'a pas le droit. D'accord? Après, il y a d'autres sujets, comme le fait de rentrer à la mosquée sacrée et tout ça. Donc, ça c'est un autre sujet. Mais le plus important, c'est la prière. Et comme vous le savez, la femme, quand elle est dans cette période, dans le mois du Ramadan, elle fait pas la prière et elle jeûne pas. Mais plus tard, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Ne pas rattraper la prière, mais elle doit rattraper quoi? Le jeûne, tout simplement. Quand on a posé la question à Aïcha, radiallahu ta'ala anha, قالت كانت أتينا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. Parce que Aïcha, quand on lui a posé la question, regardez comment elle s'est soumise. Elle a dit à l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam, on avait tout ça. Il nous a ordonné de rattraper le jeûne, mais il ne nous a pas ordonné de rattraper la prière. On n'a pas à faire quoi? À poser de questions. On se soumet tout de suite, n'est-ce pas? Donc c'est ça la règle dans la ilaha illallah, la soumission totale à Allah. Azzawajal. Et en plus de ça, regardez, Allah Azzawajal, il est miséricordieux. Pourquoi? Parce que c'est une charge aussi pour la femme. Une femme qui a ses menstrues pendant 15 jours, par exemple, ou même 5 ou 6 ou 7 jours. Imaginez-vous, elle va rattraper toutes ses prières. Alors que, on peut trouver des gens, ils font même pas la prière. Et quand ils vont la faire, ils vont pas la faire correctement. Mafhoum? فلتعلم المرأة على أنه يوجد دم يسمى بدم الاستحاضة. دم الاستحاضة. هناك دم يسمى الاستحاضة. يكون مختلفا بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي. Donc, les femmes, ils savent très bien qu'il existe un saignement extraordinaire qu'on appelle al-istihada. Dans la langue arabe, al-istihada, un saignement qui est extraordinaire, on peut dire aussi pour rapprocher un petit peu, une hémorragie, irq. D'accord? Une hémorragie qui dégage sont différents de lui. Et ça veut dire, il est différent du sang des menstrues. Il va le savoir, inshallah ta'ala, par l'intermédiaire de cette assise. Et je vais essayer de faire un petit résumé comme ça. On va comprendre bien, inshallah ta'ala, la différence entre ça et ça. L'odeur et en même temps, la couleur et d'autres caractères. قال, هذا الدم عن الحيض يعني يتميز. الاستحاضة يتميز عن دم الحيض اللون لا كولور دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر لا كولور le sang de la menstruation est noirâtre, ça veut dire noir, alors que celui de saignement en question est rouge et la femme elle le sait. Donc, il y a une différence de couleur. La couleur, si vous voulez, du sang d'hémorragie, il est rouge. D'accord? Et l'autre, il est noir. Al-riqqa. Fadamu al-haydi thakhin, ghaliz, wal-istihadatu damuha raqiq. La fluidité. Sachez très bien que le son de la monstruation est moins fluide que celui du son du saignement extraordinaire de l'hémorragie. Ar-ra'iha dam al-hayd muntin karih wa al-istihadah damuha ghayr muntin li'annahu dam 'irq 'adi. Donc aussi ici l'odeur du sang menstruel est repoussante, tandis que l'autre est ordinaire, comme le sang ordinaire quand une personne va se blesser, qu'Allah nous préserve. Le sang, il est ordinaire. Mais le sang des menstrues aussi, il est quoi? Il a une mauvaise odeur. Et c'est pour ça, à l'époque, chez les Arabes et tout ça, quand la femme a terminé son cycle, elle fait quoi? Elle va se parfumer dans ses parties intimes. At-tajammud. Dam al-hayd la yatajammad. Idha zahara wal istihadatu damuha yatajammad li'annahu dam 'irq. Donc il y a une différence aussi du sang des menstrues et aussi de ce sang ordinaire. Donc une personne, par exemple, qui a sacrifié sa bête pour le mois ou pour l'Eid, par exemple, ou d'autres. Comme quand vous allez sacrifier, émoler votre bête, le sang, qu'est-ce qui va se passer quand il va couler? Est-ce qu'il est liquide? Certes. Après, quand il va se concentrer dans un endroit, comment il devient? Coagulant, n'est-ce pas? Il devient comme ça. Ça veut dire que c'est un sang qui est naturel. Tandis que le sang des menstrues, c'est un liquide. Jamais il va se former comme ça. Jamais il va se former. Donc il est liquide. Des fois, il sort avec une rapidité, des fois, non. Mais jamais il va devenir coagulant. D'accord? Mais le sang naturel, oui. Le sang naturel, oui. Taïb. Et puis, قال والحيض يمنع من الصلاة. Et la menstruation est incompatible avec la pratique de la prière. Donc une femme qui a ses menstrues, elle n'a pas le droit de faire quoi? De prier, n'est-ce pas? Et de jeûner. Mais l'istihada non. Un sang qui est extraordinaire, non. Elle peut prier, mais elle doit à chaque prière, elle fait quoi? Elle fait les ablutions. Dans chaque prière, elle doit faire les ablutions, ou elle peut aussi faire, comme je vous ai dit, ce chapitre, il est vaste, il est très vaste. Comme ils ont dit les ulama, elle peut réunir les deux prières. Comment? Elle peut retarder la prière de dhuhr jusqu'à l'asr, qu'on appelle le jam' al-suri. Le jam' al-suri. Donc ça veut dire, elle peut retarder la prière de dhuhr jusqu'à avant l'entrée de l'heure de l'asr. Elle fait dhuhr, et après, elle a terminé dhuhr, l'heure de l'asr, elle est rentrée, elle fait quoi? Elle fait la prière de l'asr avec un seul wudu. Elle peut faire ça, comme ils ont dit, al-ulama. Wal-mar'atu, قال, wa-innama taktafi bit-tahaffudh wal-wudu li-kulli salatin idha istamarra nuzulu d-dami إلى الصلاة التي بعدها وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم في الدم النازل أنه دم حيض إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو جاوز أكثر مدة الحيض وهي 15 يوما عند الجمهور فيكون حينئذ دم استحاضة. Donc ici, même pendant la prière, le sang extraordinaire, l'hémorragie, si vous voulez, même s'il est en train de couler, elle n'arrête pas sa prière. Elle continue sa prière, juste elle doit se protéger avec les moyens que les femmes connaissent. La femme peut constater la propreté grâce à deux indices. Nuzul al-qassa al-bayda wa huwa sa'ilun abyad yakhruj min ar-rahim 'alamatan على الطهري القصة البيضاء هذه تعرفها المرأة كل النساء تأتيها هذه القصة البيضاء، فإذا جاءتها وعلمت أنها خرجت من حيضتها إلى طهرتها. L'apparition de traces blanchâtres constituées par un liquide sécrété par l'utérus. Donc la femme, elle sait très bien quand elle va terminer son cercle par quoi ? Par ce liquide qu'on appelle al-qassa al-bayda, l'apparition de traces blanchâtres. Al-jafaf al-tam. ثانيا deuxièmement الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طهرت إذا دخلت في مكان خروج الدم أو أدخلت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ثم تصلي. لديشس موسي. Donc cet endroit devient sèche. C'est parmi les signes aussi. Donc on a deux choses, deux indices. Le deuxième indice, que cette partie, elle va devenir sèche. Et aussi les Arabes à l'époque, les femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient du coton pour voir est-ce que c'est sec. Ils vont la faire rentrer pour voir est-ce que c'est sec ou non. Si elle sort sec, ça veut dire elle est sortie de sa période. « وَإِذَا خَرَجَتِ الْقُطْنَ حَمْرَا أَوْ صَفْرَا » Donc, avant, quand elle va rentrer, avec les deux signes, le deuxième indice, elle va faire rentrer un coton, il va sortir sèche, qu'est-ce qu'elle devrait faire ici? Elle devrait faire le grand lavage, et puis elle commence à faire la prière, ou jeûner tout ce qu'on lui a interdit, d'accord? Mais dans le cas que ce coton, il sort, soit rouge, ou jaunâtre, ou rouge foncé, elle doit s'abstenir de faire la prière. Elle doit s'abstenir de faire la prière. Ici, on rentre dans la vie qui dit il n'y a pas de maximum. Même si elle a fait 5 jours, même si elle a fait 6 jours. Après ça, elle voit qu'il y a toujours ces traces, donc elle devrait s'abstenir. وَقَدْ كَانَتِ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفْ فِيهِ الصُّفْرَةِ فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء رواه البخاري. J'ai dit que les femmes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, même après, comme vous le savez, parmi les grands savants de l'islam à l'époque, parmi les femmes, c'était Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc les savants de chez les compagnons du prophète, ils venaient à elle pour avoir son avis, qu'on appelle faqihat al-islam, faqihat al-sahaba. Donc elle était une grande savante, comme vous le savez, Aïcha radiallahu ta'ala anha. C'était une époque, à l'époque, où les femmes, elles revenaient aux savants. Peut-être cette pratique, si on va la faire maintenant, ça va apparaître bizarre pour quelques personnes. À l'époque, regardez ce qu'ils faisaient les femmes. Carrément, ils prenaient du coton. Et après, ils vont envoyer ce coton à Aïcha, avec une mauvaise odeur peut-être, avec de la couleur, pour demander son avis. Pour demander son avis, est-ce que on arrête ou on continue ? Est-ce que soit on arrête, on rentre à la prière, ou est-ce qu'on va s'abstenir ? Donc Aïcha, quand elle voyait ça, elle donnait la fatwa. Elle donnait la fatwa, après elle dit quoi ? Elle dit que, voilà, vous devriez faire ça, le fait de s'abstenir. « وَالدُّرْجَةِ » هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها. Le mot ou le terme durja en arabe, qui veut dire, signifie un dispositif utilisé par les femmes pour conserver leur parfum et autres objets. والكرسوف, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire الكرسوف? Donc ils ont envoyé الكرسوف dans الدرجه, d'accord? الكرسوف c'est القطن, le coton, d'accord? Il existait à l'époque, il existe depuis des milliers d'années. Quand le terme kursuf signifie coton. Wal qassa ma'un abyad yakhruju 'inda intihai al-hayd. Le terme qassa signifie liquide blanc qui s'écoule à la fin des menstrues. ومعنى الصفرة أي ماء أصفر. Le terme الصفرة. Tous ces termes, le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit dans un hadith qui est long, qui parle de ça où il a recommandé à une femme à l'époque. الصفرة signifie liquide jaunâtre, tout simplement. وأما إن جاءت صفرة أو قدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يعد شيئا ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنها لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إذن هذه فتوى كذلك مهمة تتعلق بالمرأة. قال وأما إن جاءت صفرة أو قدرة. الصفرة والقدرة هذه معروفة عند جمع من الفقهاء والعلماء والفقهاء. في أيام طهر المرأة فإنه لا يعد شيئا. Donc ici cette jaunâtre ou aussi ce liquide qui vient aussi après qu'elle s'est purifiée, après elle a fait un test avec du coton, elle a vu qu'il y avait ces couleurs, soit jaunâtre ou noirâtre. Après qu'elle a terminé son cycle, elle ne doit pas tenir compte de ça. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit? Une sahabiya, Umm Atiyya radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'a gré, elle a dit, Kunna, à l'époque elle disait, ne nous tenions pas aucune compte du sang jaunâtre et noirâtre constaté après la propreté. Donc, ici c'est très important. Donc, après la propreté, la femme, elle devrait pas tenir compte de cette couleur. Donc, des fois, la femme, elle pose des questions. Elle a terminé son cercle. Et après, elle a eu ce liquide qui descend. Et là, cette couleur. D'accord? On lui dit, ne tiens pas compte. C'est qui t'a dit ça? As-sahabiya radiallahu ta'ala anha. À l'époque du prophète, alayhi sallam, il tenait pas compte de ça. D'accord? Mais attention, cette kudra et sofra, si elle vient pendant le cercle, d'accord? Donc, une femme, par exemple, elle a d'habitude son cercle pendant 5 jours. Après, pendant une demi-journée, elle n'a pas eu de sang. Après, elle a eu, le deuxième jour seulement, elle a eu cette couleur, d'accord? Al-Qudra wa Sufra. Donc, on lui dit quoi? Elle doit tenir compte à ça. Elle ne doit pas faire la prière. Elle attend qu'elle termine son cycle, Inch'Allah. تعالى قال ومعنى القدرة هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ. Le terme coudra signifie liquide rouge foncé qui ressemble à une saleté. ومعنى لا نعده شيئا لا نعده حيضا ولكنه يوجب الوضوء. L'explication de Umm Atiyya رضي الله تعالى عنها ne nous tenions aucun compte signifie que Ils font la prière, ils jeûnent, mais aussi ils annulent les ablutions. Ils annulent les ablutions, d'accord? Donc le liquide, comme vous le savez, soit chez l'âme, l'homme ou la femme qui sort de leur partie intime, ça annule les ablutions, mais pas forcément faire le grand lavage, d'accord? Voyez. وأما إذا اتصلت القدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض. Donc comme vous le savez, cette coudra et soufra, la couleur jaune ou noirâtre, qu'est-ce qu'elle devrait faire pendant son cycle? Elle doit tenir compte, donc elle ne doit pas faire la prière ni jeûner, même si elle connaît yani les signes et la signification de tout ça. إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم فهو حيض ما لم يطبق عليها عامة الشهر. ما لم يطبق عليها عامة الشهر. عامة الشهر. Et ça, ça arrive souvent chez les femmes. Des fois, elle est dans sa période, après pendant une journée, des fois pendant deux jours, elle n'a pas de sang. Après, il revient après. D'accord? Donc, on lui dit quoi? Pendant cette période, d'habitude, tu as 5 jours ou 6 jours. Après, tu les as eu pendant 2 jours seulement, après c'est coupé pendant 2 jours, attends. Jusqu'à que tu vas terminer ton cycle, et il y a des savants qui disent, même tu termines le mois, et pour ça, elle devrait revenir au savant. Donc il y a plusieurs questions sur ça. Ça, c'est les plus importantes. Ça, c'est les plus importantes, parce que c'est les questions répétitives. Quand est-ce la femme, elle a terminé, elle a 5 jours, après elle a eu cette coudra, elle a eu cette soufra, elle a eu cette couleur, elle a eu cette odeur et tout ça. L'essentiel, la femme, elle connaît l'odeur et la couleur des sangs du monstre, des monstres. Comme je vous ai dit, ya'rif wa yu'araf. Yu'araf wa ya'rif. Il est connu et aussi il a une mauvaise odeur. Alors que le sang extraordinaire, c'est un sang comme le sang ordinaire. Qui veut dire que voilà, il n'a pas la même odeur que le sang des monstres. Donc ça, c'est un petit résumé seulement sur ce chapitre. Mais non, il y a beaucoup de règles sur ça. Il y a beaucoup de divergences sur ça. Et bien sûr, nous, on ne rentre pas dans ça. Pourquoi? Parce que comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et d'autres savants, ce chapitre, il est très, très facile. Le fait de s'approfondir, on va se retrouver dans l'exagération. Et en même temps, il y a un terme qui est utilisé dans cette époque par qui? Par les innovateurs, par les têtes des innovateurs, les égarés, égareurs. Ils disent ulama al-hayd wa an-nifas, ulama al-sultan, ulama al-balad. Donc, comme vous le savez, il y a des égarés, égareurs, des innovateurs. Ils disent quoi sur les savants de l'islam, les grands savants de la sunna? Ils disent ça, c'est les savants des palais. Ça, c'est les savants de quoi? Des sons de démonstrés, des lochis. En réalité, ça, c'est une thèse qu'il y a pour eux. En réalité, ça, pour dire sur un savant. Parce que pour maîtriser ce sujet, tu dois être un savant. Comme Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Donc, quand un innovateur, un égaré, égaré, il dit ulama, al-hayd wa al-nifas, ça veut dire qu'il est en train de faire une thèse qu'il y a, hein, pour cette personne. Il est en train de lui faire des éloges. Parce qu'en réalité, pour maîtriser ce sujet, tu dois être un grand savant. En réalité, on doit prendre ça du bon côté. Et vous allez savoir, le jour où ils vont savoir qu'ils étaient en train de faire des éloges aux savants, ils vont s'arrêter, ils vont cesser de parler sur les grands savants de l'islam. Donc ça, c'est une partie. Et bien sûr, je vous recommande à étudier la jurisprudence du premier livre jusqu'au dernier. Du premier livre jusqu'au dernier. Comme vous le savez, Zad al-Mustaqna'. Zad al-Mustaqna', c'est un résumé. Le Cheikh al-Hajjawi, rahimahullah ta'ala, ils ont dit, les savants, qu'il a fait pour son fils. Il l'a fait pour son fils. D'accord? Donc, à l'époque où les enfants, ils étudiaient la jurisprudence, ils apprenaient le Coran Karim, ils apprenaient l'Ahadith, ils apprenaient par cœur et tout ça à l'époque. C'était une époque, alhamdoulilah, on peut revenir à cette époque. À l'époque, c'était ça. Un enfant, il peut faire quoi? Étudier le Risala. Comme vous le savez, le Risala d'Ibn Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, je l'ai vu tout à l'heure dans une page chez un frère. Donc, Ibn Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, on a dit qu'il a écrit à l'âge de 17 ans. Al-Risala, elle parle pas de l'aqida, du dogme seulement. Elle parle de toute la jurisprudence, al-fiqh, la législation dans l'islam. Et on disait sur lui, al-imam Malik al-Saghir, le petit imam Malik. Ibn Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala. Son professeur de Coran, il a vu que c'était une personne exceptionnelle. Il est venu vers lui. Donc c'est lui qui lui a appris le Coran Karim. Il lui est venu vers lui. Il lui a dit, écris-moi un matn, un mandoma, qui parle de la jurisprudence. Il a commencé dès début jusqu'à la fin. Pour qui? Pour les enfants. Alors que cette récelle, maintenant, il est en train de l'étudier où? Dans les facs. Ou à Médine, tu vas à la fac à Médine, par exemple, ou d'autres, à... Les grands, des personnes qui sont âgées, licenciées peut-être, ils ont eu le bac et tout ça, ils sont en train d'étudier tout ça. Pareil pour Zad al-Mustaqna'. Zad al-Mustaqna', Cheikh al-Hajjawi, rahimahullah ta'ala, quand il a écrit pour son fils, pour qu'il puisse réviser la jurisprudence, subhanallah. Cheikh al-Uthaymin a expliqué dans 15 tomes. Ça veut dire des heures et des heures d'études. Et il a détaillé, Cheikh, rahimahullah ta'ala. Pour moi et vous. Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, on a maintenant les audios, on a les livres, on peut trouver même, que je ne recommande pas bien sûr, en français, mais je recommande à l'étudiant, à moi et à vous, d'apprendre la langue arabe, pour qu'on puisse étudier et apprendre. Et c'est pour ça les ulama de Nahou, ils disent quoi ? إِنَّ الْكَلَامَ عِنْدَنَا فَلْتَسْتَمِعَ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعَ. Donc les ulama de Nahou, pour vous résumer, pour eux, les ulama de Nahou, en dehors de la langue arabe, ils ne considèrent pas d'autres langues des langues. Ça veut dire toutes les langues, pour eux, ce n'est pas des langues. لَيْسَ بِكَلَامَ. D'accord ? Ulama al-Nahu. Par exemple, l'écriture, par exemple, pour eux, c'est pas une langue. D'accord ? Al-Ishara, les souris muets, quand ils parlent entre eux et tout ça, pour eux, ça, c'est pas une langue. Pareil, pour toutes les langues, pour eux, c'est pas des langues. D'accord ? La seule langue pour eux, c'est quoi ? C'est la langue arabe. C'est la langue arabe, et ça, c'est pas l'exagération, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de défendre la langue arabe. Et d'apprendre la langue arabe par Allah Azza wa Jal, il n'y a pas plus facile que ça. Mais ça demande quoi ? La motivation, bien sûr. Les grands savants, écoutez-moi bien, les grands savants de la langue arabe, comme par exemple parmi les premiers, c'est Bawayh. C'est pas un arabe, c'est un non-arabe, Ajami. C'est le meilleur des meilleurs dans ça. C'est la première personne qui a écrit dans ça. Al-Khaqani aussi. Al-Hawayh. Al-Bukhari ou Muslim, c'est des noms arabes. Plusieurs savants dans l'islam, c'est pas des arabes, mais ils maîtrisent la langue arabe meilleur que les arabes d'aujourd'hui. Et combien de personnes il s'est reconverti à l'islam, il a appris l'arabe, il est devenu meilleur que les arabes. Il est devenu savant dans ça. C'est pour ça qu'il faut avoir la motivation. C'est quoi ? C'est le fait de faire quoi ? Comme il a dit le prophète alayhi salatu wa salam, innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh wal-hilmu bit-tahallum. Tout simplement, étudie, tu vas avoir le résultat. Et ça ne va pas te demander des années et des années, attention. Quand le prophète alayhi salatu wa salam, il a envoyé un sahabi, il a appris la langue, l'hébreu, en une semaine. Alors qu'avant, il ne connaissait rien. Il a appris l'hébreu en une semaine. Et combien de personnes maintenant, surtout nos enfants, des fois on trouve des parents, ils tombent dans un piège. Et ce piège, c'est quoi ? Ils voient qu'eux, ils n'ont pas de niveau. Pour eux, leurs enfants aussi, ils n'ont pas de niveau. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège. Si toi, tu n'as pas la capacité, délègue un professeur. Tu dois inscrire tes enfants dans des écoles pour qu'ils puissent apprendre leur arabe. Tu vois que ça, c'est la chose la plus facile. Il ne faut pas avoir peur de l'ajromia. L'ajromia, c'est la plus facile. Et celui qui l'a écrit, pour faciliter aux gens. Oubliez le tombe de Médine. Moi, je vous dis tout de suite, les frères. Oubliez les tombes de Médine 1, 2, 3 et tout ça. Commencez par l'ajromia. Vous avez le niveau pour ça, bidillahi ta'ala. Le tombe de Médine, c'est quoi ? Il va te dire hatifun, maktabun, sayaratun, waraqatun. C'est ça ce qu'il va te dire. Apprenez, ne vous inquiétez pas. Le jour où vous allez ouvrir cette porte, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, la langue arabe, c'est comme un château qui est fait avec le qasab. Le qasab, c'est du bois. Mais sa porte, elle est en fer. Dès que tu l'ouvres, tout devient facile. Donc, une petite recommandation après ça. Pourquoi ? Parce que dans la jurisprudence, on a besoin de quoi ? De la langue arabe. Et c'est pour ça dans le Coran Karim on dit quoi ? Dans le sens rapproché. Dans la jurisprudence, il y a des thèmes, on ne peut pas les trouver aussi dans le Coran, comme le Qudra ou le Sufra. Ça n'existe pas ça dans le Coran. Le Qudra, elle n'existe pas dans le Coran Karim. Elle existe dans la Sunna. Et donc il y a des termes, les livres de la jurisprudence, pour les traduire en français, c'est très difficile. Et c'est pour ça, on apprend, incha'Allah ta'ala, والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم إخواني